c'est pour qui on représente? Pour son cap production, mec. Azim, Limsa, la Bicep, Manaman, Cortex, KORT, le X, la vis n'est pas sa rêve. En 2001, la vis n'est pas sa rêve. C'est pas le paradis. Ma vie en texte est diffusée, nouvelle du front pour défrayer la chronique. Une vision sombre, noire du calot. Apocalypse en VO dans nos rêves, délire son passeau. Truant plein de roro, nos vies à sac coup de pinceau. Je voudrais faire mieux, parler d'autre chose. J'essaie de parler des confiances déçues, des sources perdues ou bien de l'oseille. Je pète trop, j'essaie de parler de ce qui me gêne. Des gars en bas qui peinent, des gars qui repeinent. Le sol au sang, un putain de pays gris, même sous soleil pesant. Cœur assiégé sur mon mec, un putain de caractère net. Encore trop différent dans le même sac, la rue et tout ce qui va avec. Y'a rien à foutre dans ce bordel, mais tant que mes textes concernent, toi qui crois pas au contexte qui s'alterne. Charme le problème, on se mêle au cœur du sujet. Je rédige pas mes mémoires, je suis sujet. Dans mes couplets, faut pas croire. Je baigne en plein dedans, les pions en crise et dément. Comme tous en vie, prestige. Ma vie sur 10, j'en rêve et je mise tout au risque de rester serré. Avant de saler, fallait y penser. Être en Babylone, c'est pas un rêve. Il n'y aura pas de trêve. Si t'es faible, tu crèves. Ici, pas les jeunes tournent et traînent. Oh, être en Babylone, c'est pas un rêve. Il n'y aura pas de trêve. Si t'es faible, tu crèves. Ici, pas les jeunes tournent et traînent. Oh, veille douloureux. Vie c'est pas un rêve, pendant qu'un être né à quelque part un autre crève. Vision du monde, je suis sûr que la terre est plate, ici rien ne tourne rond. Et que même si parfois on s'éclate, c'est pour mieux toucher le fond. Remplir ses poches et payer cash et rêve un but. S'en sortira tout prix pour que se taise à jamais les putes. Y'a trop de sang qui coule et trop de mythos qui jouent les boss. De gars qui tiennent les murs avec du vice et qui gangrènent les gosses. École de la rue, école de rien du tout. C'est pas les cailles qui t'y ont mis qui te sortiront du trou. Parfois même quand le soleil tape ses cris, parfois tout va, parfois le cœur est aigri. Une goutte de plus dans mes visions en mer pour demain. Un parfum déjà dit car c'est pas quand je me plane. J'ai pas inventé le peurage, j'suis pas un grand penseur du moment. J'suis juste un mec d'ici qui pense à demain trop souvent. Être en Babylone, c'est pas un rêve. Il n'y aura pas de trêve. Si t'es faible, tu crèves. Ici, bas les jeunes tournent et traînent. Oh, être en Babylone, c'est pas un rêve. Il n'y aura pas de trêve. Si t'es faible, tu crèves. Ici, bas les jeunes tournent et traînent. Oh, la seule issue possible est de combattre pour préserver ce qu'il nous reste de l'avenir. Tu sais qu'ici pourtant personne ne contrôle ses rêves. Car le dessin de nos vies jamais ne s'achève. C'est comme l'histoire du combat de la trêve et du glaive. Tu sais qu'ici la vie ce n'est pas un rêve. Tu sais que man ici bas il n'y a pas de trêve. Être en Babylone c'est pas un rêve. Il n'y aura pas de trêve. Si t'es faible tu crèves. Ici bas les jeunes tournent et traînent. Oh, être en Babylone c'est pas un rêve. Il n'y aura pas de trêve. Si t'es faible, tu crèves. Ici bas les jeunes tournent et traînent. Oh.